consulter la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, on commence avec un extrait du plus récent album de The Samurai of Prague. C'est The Samurai of Prague featuring Marco Criego. C'est l'album A Quiet Town. On va avoir la pièce The Businessman. Et puis, une nouveauté, et pas nouvelle, on va avoir un extrait de White Willow, Ex Tenebris. Je dis une nouveauté parce que le disque a été remasterisé par son leader, Jacob Om Lupo, qui en fait est un peu comme, je vous dirais, le Steven Wilson de la Norvège. Et c'est lui qui a remixé et remasterisé de nombreux albums norvégiens. Donc, rien de plus naturel que ce soit lui qui s'occupe des albums de White Willow, puisque c'est son groupe. C'est la deuxième réédition et tous les albums de White Willow vont être réédités. Ex Tenebris va être disponible le 12 avril prochain. Et puis Marc, par la suite, on se dirige vers les États-Unis. Oui, en effet, on aura un premier extrait du prochain album de la formation américaine Circuline. L'album aura pour titre Core. Et la date de parution est prévue pour le 20 septembre prochain. Alors, on a un premier extrait pour vous qui a pour titre Tempus Horribilis. C'est un quintet qui compte dans ses rangs, entre autres, le guitariste Dave Bainbridge. Et ce sera suivi d'une nouveauté du musicien d'origine polonaise Marcin Pajak, qui est basé maintenant en Angleterre, tiré de son nouvel album qui a pour titre In the Space. Il sera lancé le 15 mars prochain, c'est son sixième en carrière, et on aura pour vous ce soir la pièce Lift Off. Mais tout d'abord, comme vous disait Michel, une nouvelle pièce de la nouveauté de The Samurai of Prague. Thank you. beg you, don't tell my wife any of this. Swear on your life, she's the owner, the absolute master of my factories.

Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. CKRL. La Rotonde des Bigicots présente Entre ciel et terre, un spectacle qui entremêle la gigue traditionnelle au contemporain. Dans ce programme double, deux danseurs entreprennent un voyage entre l'univers nord-côtier et la science-fiction. Une soirée surprenante pour découvrir la gigue autrement. Entre ciel et terre, du 27 février au 1er mars à la Maison pour la danse. larotonde.qc.ca. Premier acte et Théâtre Pareidoli présente « Jusqu'à brûler les boiseries ». De quoi veux-tu me parler, Frédéric? C'est que j'en ai jamais vraiment parlé à quelqu'un, puis ça remonte à longtemps. Pourquoi t'éprouves le besoin d'en parler maintenant? Je me sens pas stable. Mentalement, je veux dire. Je veux être une bonne personne. Ah, le bien et le mal. C'est un legs de la religion, ça. Ça existe pas des bonnes ou des mauvaises personnes. Tout le monde a son histoire, sa réalité. Une personne équilibrée? Tu te sens pas équilibré? Non. Jusqu'à brûler les boiseries, du 5 au 23 mars 2024, au Théâtre Premier Acte. Premier Acte remercie ses partenaires de saison. La Caisse Desjardins de Québec, la Caisse d'économie solidaire et Hydro-Québec. Vous adorez le sport? Vous êtes un fan inconditionnel de vos équipes préférées? Eh bien, ne cherchez plus! Logo Sport est la référence à Québec. Logo Sport, la seule boutique dédiée à 100% aux produits officiels de vos équipes sportives favorites. Que ce soit la LNH, la NFL, la MLB, la NBA, peu importe, nous l'avons. Mentionnez CKRL lors de votre visite pour obtenir une réduction exclusive de 15% sur tous nos produits à prix réguliers. Logo Sport, la référence à Québec pour les vrais fans de sport. 1028 rue Saint-Jean. Logosportqc.com. Tous les vendredis, après la semaine du travail, écoutez CKRL pour une soirée toute musicale. Jazz, funk, blues et métal. Les vendredis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Terra Incognita se poursuit avec Marc Chonet et Michel Bilodeau. Le second bloc de l'émission va être consacré à deux groupes qui vont nous rendre visite au mois de mai dans le cadre de la 17e édition du festival Terra Incognita. Je parle dans un premier temps, de 35 Tapes, une formation norvégienne qui devait nous visiter en 2021, mais on sait ce qui est arrivé. Et bien là, vaut mieux tard que jamais. Donc, cette année, on va recevoir cette formation qui a lancé en 2023 un troisième album de Fabric of Time. Le groupe va se produire le 19 mai prochain à la Chapelle Spectacle dans le cadre du festival, comme je le disais tantôt. Et la même soirée, on va avoir de la visite de l'Italie, Marc. Oui, en effet, l'excellente formation Ranestran ou Ranestrane, si on le prononce en italien, ce sera leur toute première visite au Canada. Ils ont débuté à Rome en 1998 et se spécialisent dans les albums concept. Ils ont présenté leur premier album en 2007, Nosferatu, Shining en 2011. Ensuite, il y a eu les trois parties de l'Odyssée de l'espace, Space Odyssey. Partie 1, Monolith, paru en 2013. Partie 2, HAL, paru en 2015. Et partie 3, Starchild, paru en 2018. Ils ont également un album hommage à Pink Floyd The Wall, paru en 2020. Et leur plus récent, l'excellent Apocalypse Now, paru en 2022. On aura pour vous ce soir deux extraits de l'Odyssée de l'espace. D'abord tiré de volume 1, la pièce Materna Luna, et ce sera suivi d'un extrait de la partie 2 avec la pièce La perfezione che si cerca. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute avec l'excellente formation norvégienne 35 Tapes. There she flies on silent wings. We cannot see her, but she's messing with the scheme of things. Something in the air, weak and singless noises we can't hear. Time is not a friend to trust. She runs at different speeds, never tells us where she goes. Dancing on her toes, sometimes far away and sometimes close. Thank you. Just be stories you have been.

Cambiamento d'aria. 10,000 series has a perfect operational record. La soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. CKRL. Oyez! Oyez! Le petit village forestier de Hamelin vous convie à sa traditionnelle fête du mardi. Au programme, dégustation de spécialités régionales, chansons festives, moitié-moitié, danse digestive et autres frivolités. Mais surtout, aucun dérapage, aucune arrivée impromptue et aucun voyageur mystérieux. Jamais. Car à Hamelin, tout va parfaitement bien. Toujours. Bon réveil, Hamelin. Une création collective des finissantes et des finissants du Conservatoire d'art dramatique de Québec, librement inspirée de l'univers des contes folkloriques et mise en scène par Alexandre Fecteau. Du 27 février au 3 mars, au Théâtre du Conservatoire. Billets en vente au conservatoire.gouv.ca. Quelle est votre maison de la littérature? Une maison pétillante? Une maison poétique? Une maison bibliophile? Découvrez votre profil et les différentes activités qui vous ressemblent sur maisondelalittérature.qc.ca. Le 5 mars, à l'Anglicane de Lévis, entrez dans l'univers festif du chanteur Jérôme 50. Véritable amoureux des mots, l'artiste engagé vous fera voyager avec ses mélodies accrocheuses en passant par le trad, le pop, le disco et le country. Fais-moi croire qu'il n'est pas en vain de raviver l'espoir. L'amour est plus... Pour une soirée chill inoubliable sur fond d'humour et de poésie, ne manquez pas le bateau. Jérôme 50, à voir le 5 mars à l'Anglicane de Lévis. Billets disponibles au espacedcl.ca. Chaque dimanche, 21h, sur les ondes de CKRL, c'est l'aventure sonore. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation du Royaume-Uni Magic Bus, tirée de leur troisième album Philip the Egg. Ils ont 4 albums à leur actif, le plus récent étant paru en 2020. Alors, celui-ci dont on entendra un extrait est paru en 2017 et on aura pour vous ce soir la pièce Trail to Canaan. On aura également la formation norvégienne Needlepoint, tirée de leur plus récent et second album Walking Up That Valley, paru en 2021 avec la pièce Rules of a Madman. On aura également une formation suédoise qui a pour nom Agusa, qu'on aime beaucoup, et c'est tiré de leur plus récent album Prima Materia, paru en 2023, un album qui est très bon du début à la fin. Et pour débuter ce bloc musical, Michel, on y va du côté de l'Italie. Oui, on va avoir un extrait du plus récent album de la formation italienne Il Cerchio d'Oro, une formation qui a été mise sur pied dans les années 70 et phénomène probablement, je vous dirais, typique à l'époque en Italie. Il y avait tellement de groupes que c'était pas tous les groupes qui réussissaient à décrocher un contrat d'enregistrement. Donc, le groupe a été actif dans les années 70, mais sans véritable contrat de disque. Et il faut attendre en 2005 pour un premier véritable album, La Quadratura del Cerchio, qui est paru en 2005, comme je le disais. Et moi, pour ma part, j'ai découvert le groupe avec Il Viaggio di Colombo en 2008. Et je pense que ça a été le cas pour plusieurs amateurs de prog italiens. A suivi Dédalo et Icaro en 2013, Il Fuoco Sotto la Cenere en 2017. Et 6 ans plus tard, et ça c'est l'album dont on va vous présenter un extrait, c'est l'album Pangea e le Tre Lune qui est paru en 2023. Et de cet album, on va voir la pièce Le Tre Lune. Torno alla terra tre lune in quel tempo remoto, ruotavano lente obbligate da forze inumane. Una era rossa e se n'era forse il suo nome. L'altra era gialla e Afra era stata chiamata. Si perdeva ballo brillante del giorno e di rosso di sera. Thank you. came whizzing from the sky onto the chessboard from up high. Joined the war with a white, always ready for a fight. Sides left and right, the chessmen on the other side. They were watching terrified. All the rules they knew were gone, and all the pawns were knocked out one by one. Strike, strike, and rook and even wanted to the pens matched. The sword from the night disguised as the humblest of beasts. the morning sun are light and God. We hike through the mountains to the ancient wood. We danced round all the stars, sang with the rising dawn, and gave our hearts to summer. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Autre temps, autre mœurs. Les mots, la musique. Mettre de la musique sur les mots, faire danser les mots sur la musique, marier littérature et musique. C'est l'invitation que vous lance Gilles Chaumel tous les mardis à 11h. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Dans le prochain bloc musical, on aura la formation allemande Argos qui a été fondée en 2005. Ils ont 6 albums à leur actif et il y aura un nouvel album qui devrait paraître cette année. On aura ici un extrait de leur tout premier album éponyme qui est paru en 2009 avec 2 pièces intitulées Killer et Core Images. Ces 2 pièces font partie de la même suite qui a pour titre Nursed by Giants qui débute cet album. Donc c'est une suite en 5 parties. On aura la pièce d'ouverture et de fermeture de cette pièce. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on y va du côté du Royaume-Uni avec un musicien très connu. Oui, un musicien qui n'est pas forcément associé à la scène musicale progressive. On parle de Phil Manzanera, que plusieurs ont découvert, dont moi, je l'ai découvert par le biais de Roxy Music dans les années 70. Et il a signé plusieurs albums solo, dont Diamond Head. J'aime beaucoup aussi Listen Now. Et puis ça, c'est apparu sous le nom de Phil Manzanera 801. D'ailleurs, ce groupe a aussi lancé un excellent album en concert, 801 Live. Mais dans le cas qui nous occupe ce soir, on parle de l'album 6 PM. Et je dois dire que c'est mon préféré de tous les temps de Phil Manzanera. Un excellent album. Et ce soir, on vous présente 3 extraits de cet album, c'est-à-dire Shoreline, Always You et Sacred Days. Un album, soit dit en passant, qui célèbre cette année son 20e anniversaire. Drifting as the sand is shifting on the shoreline. As the sun sets, the sound of darkness is there forevermore. I've walked through troubled waters and out on my journey before. But to tell you the truth, I can't turn it around. It's coming in, and I think it's time to go. Yes, the tide's coming in, and I've got nowhere to go. Oh, the tide is rising, and I've got to go. Thank you. short word in the history of human race. Short and tiny little words, they're always good enough for some disgrace. C'était la formation allemande Argos avec deux extraits de son tout premier album, simplement intitulé Argos. Et pour conclure l'émission ce soir, on va faire un détour du côté de la Suède avec Black Bonzo, un extrait du deuxième album du groupe Sound of the Apocalypse, et ce sera la pièce Iscariot. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'être fidèles au rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste. Restez à l'écoute. L'autoroute suit dans quelques instants. Et Marc et moi vous souhaitons une excellente nuit à l'écoute de CKRL. Judgment day upon us all. But the humming's getting louder, the tempest quite near, and radiated flowers bloom in the palm of my hand. I hear bitter words, you hardly deserve them, but can't you see the end is in sight? I saw in every eye in the world it was changing. But can't you see the end is in sight? Still you put up a fight. Like a miracle he's born from the ashes of the storm. He'll be the one uniting all. Rest assured he'll please you too.